Cette chanson est dédicacée à Lionel Richie parce que on a tous au fond de nous un petit côté Lionel Richie quelque part. Surtout l'été quand on danse des slow-torides avec des filles chaudes. Et Lionel Richie, dans ces cas-là, c'est vous, c'est moi, c'est you, c'est me. C'est toi et moi sur la plage, pleine de jolis coquillages. Tu dis que je ressemble à... Tu enlèves ton maillot pour mieux sentir le soleil sur ta peau. Que c'est beau. Et moi, je te regarde. Tu ressembles à un tableau de Picasso. Et tes seins font des bonds sur la plage. Dégoulinante de sueur. Comme après un concert de... Tu plonges dans la mer et je ne te vois plus. Les cachalots ont dû te gober comme un œuf. Eux aussi, ils apprécient. Je me retrouve tout seul comme un con sur la plage. Heureusement, j'ai en moi comme avec. La mer charrie des petits morceaux de toi. Je me souviens quand tu disais. Stay together. Stay together.